Plus si nombreux pour un grand pont où on s'attendait à avoir quand même un peu moins de monde. Mais c'est dire que le sujet est passionnant. Je pense pas que tu vois d'objection. Ça me surpose. Surtout qu'il y en a un autre là déjà. Il y a de la place à l'intérieur. Il y a une place là. Alors, Carmen est Germinal. Germinal est le fils aîné, je crois, hein, oui, de Sarah Berenguer, dont on va parler à propos de son livre qui est sorti en français. Il y a la version espagnole qui est là pour ceux qui préfèrent l'espagnol. Il est plus cher, mais il est plus complet. J'en parlerai après. Carmen va en parler. Oui. Et pour ceux qui... Tu préfères celle-là? Oui. Les chaises de PDG, ça. Oui. Je ne suis pas PDG. Mais pour ceux qui n'auraient pas connu Sarah, on va vous mettre... Ça va permettre au dernier retardataire d'arriver. Une petite séquence qui est dans le film... Pour un autre futur que vous n'avez peut-être pas vu, donc vous allez voir, faire connaissance physiquement avec Sarah. Ça a été tourné en 89, si ma mémoire est bonne. Et je vais éteindre la lumière et essayer de faire pour qu'on ne soit pas plus visible sur les yeux. De l'éducation pendant la Révolution, et c'est intéressant de risquer de tout côté comme on va. Non, bouge pas, c'est bon. Tu l'as déjà vu, donc ça vaut la peine. Nous íbamos a quedar en Martínez hasta las 2 o las 3 de la mañana. Después que dábamos conferencias, dábamos una acción constante todos los días y recogíamos todos los niños de la barriada y les dábamos escuela. Por lo tanto, los niños cuando venían a la escuela les preguntaba que qué querían saber. Y ellos me lo decían. Esos niños, como eran ellos que hacían la pregunta, estaban mucho más interesados y tenían muchas ganas de saber. Era otro método, ¿no? Y se apasionaban todos. Y lo que yo les haría cuando iba a casa... Estaba hasta las 2 o las 3 de la mañana estudiando para el día siguiente de nuestro... Para poder preguntar a los chiquillos, ¿no? Y si no, pues preguntando a los compañeros, mira, me han preguntado esto que les voy a decir. Además, los domingos por la mañana, como ya sabíamos los dos, a veces me llevábamos los niños al campo y les dábamos lecciones naturales, como las plantas, las flores, habíamos ido al parque para enseñarles los peces y todas estas cosas que son... Y esos niños tenían un afán para aprender, una pasión, que era una cosa muy importante. Yo puedo deciros que mi madre... L'emprunter éventuellement, mais bien le voir ici. D'accord. Je viendrai. 2h30, ça dure. Mais tout le film est intéressant. Bon, je redonne de la vie. C'est un témoignage de toutes ces femmes espagnoles. C'est chouette qu'elle ait été filmée. Un travail terrible. Je voudrais bien le voir. Je lisais encore. On est deux déjà. Le gouvernement de Francis, ça interpelle un grand. Ça, c'est d'accord. Moi, j'habite pas loin. Moi, j'habite... Donc Carmen va vous parler longuement de Sarah, enfin pas trop longuement, une heure et demie à peu près, pas plus. Oui, une heure. Oui. Après, on prendra la table. Ça fait déjà pas mal quand même. Bonsoir, mais tout d'abord, on est très heureux d'être ici parmi vous. On avait visité ce local il y a au mois d'été, en été l'année dernière. Ouais. Il n'y avait absolument rien. Et là, on est franchement... bravo pour ceux qui ont fait le travail. Hein. Merci. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait visité. Mais c'est pas fini, c'est encore, il y a encore des choses à faire. Eh bien, on reviendra le voir. D'abord, un petit mot sur le diaporama. Ce sont d'abord des photos, mais bon, là, évidemment, c'est en cours, des photos de Sarah à divers âges. Ça commence jeune, je vous dirai quand ça commence, jeune, et puis à différentes époques de sa vie. Il y a ensuite les photos des livres qu'elle a écrits. Et ce qui est en train de passer maintenant, ce sont les photos des femmes dont elle parle dans son dernier livre, « Mujeres de Temple ». Ce sont toutes ces photos de femmes qui sont reprises dans le livre, dans celui-là. Oh, il y a un petit moment avant que ça... Que tu le regardes quand c'est la première photo de ta mère, tu le dis. Alors, je n'ai pas trop l'habitude de parler en public, donc... Bon, ça va, mais... il n'y a pas 200 personnes, quand même. Non. Voilà, mais bon, je suis obligée quand même de suivre ce que j'ai préparé. Alors, je ne sais pas si Sarah a été connue par certaines d'entre vous. Bon, toi, oui, bien sûr, Gilbert la connaissait bien. Nous allons vous présenter donc la traduction française de son dernier livre, « Mujeres de Temple », et essayer de mieux vous faire connaître cette femme qui était hors du commun. Elle a fait partie de cette jeunesse enthousiaste, sincère, pétrie d'altruisme, d'idéal, qui pendant la guerre d'Espagne a prouvé son courage, son abnégation. Elle a été mère de 4 enfants. Elle était fervente militante. Elle a été écrivain. Elle a été poète. Une travailleuse infatigable toute sa vie. Elle a su mener de front toutes ses activités et jusqu'à son dernier souffle, sans aucune faiblesse. Alors j'ajouterai quelques mots sur l'histoire du livre que nous présentons ce soir. Sarah, lorsqu'elle était en train d'écrire la version espagnole, me demanda si j'accepterais de le traduire en français, car elle avait à cœur qu'il soit édité dans les deux langues. J'acceptai, et nous eûmes le temps de relire et de revoir ensemble le manuscrit en français, quand il fut terminé. Mais elle était déjà très très fatiguée. Elle s'adressa à Mimmo Pucciarelli de l'atelier de création libertaire pour une éventuelle édition, et lorsqu'on eut la réponse positive de Mimmo, Sarah me demanda de m'occuper de la suite, car elle se sentait très mal et elle avait encore un livre à finir, elle voulait essayer de le terminer. Donc c'était en mars 2010 et elle devait décéder en juin. Elle n'eut pas le temps de voir la version française terminée, éditée, disons. Terminée, oui, mais éditée, non. Mais elle partit en sachant que son livre allait paraître en français. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de ce livre. Bon, je regrette ce soir l'absence d'Isabelle Félicie, collaboratrice de Mimmo, qui a revu avec moi la version française et qui en a écrit la préface. Elle n'a pas pu se libérer, mais je pense à elle et la remercie pour ses conseils et pour les moments de travail que nous avons partagés. Alors, je pense que pour l'intérêt et l'homogénéité, je vous propose de vous parler tout d'abord de la vie de Sarah, qui a été très très riche, très longue, très intéressante. Et ensuite, je vous parlerai de son travail d'écrivain qu'elle n'a commencé qu'à partir de 42-43 ans. mais qui a été foisonnant et varié. Et on finira par la présentation du livre lui-même. Si vous n'êtes pas trop fatigué, je pourrais peut-être vous lire deux poésies pour vous montrer les deux genres de poésie qu'elle pouvait faire. D'ailleurs, Carmen a apporté quelques livres de poésie. S'il y en a qui sont intéressés par la poésie, on peut les regarder après. Qu'est-ce que je pourrais vous ajouter avant de commencer ? C'est que Sarah et son compagnon Jésus avaient réussi à ce que leurs quatre enfants s'installent autour d'eux. Ce qui fait que j'ai côtoyé Sarah, je suis sa belle-fille, Germinal est son fils aîné, et j'ai côtoyé Sarah pendant 50 ans. On était à côté. Donc on avait une très grande complicité toutes les deux. On avait un même intérêt pour l'Espagne. Et j'ai pu l'aider dans son travail, surtout les dernières années. Et j'en ai été très heureuse parce que ça m'intéressait beaucoup également, moi aussi. Je suis née à Barcelone, dans le même quartier qu'elle. Mon père a fait la guerre d'Espagne, je suis une fille de l'exil et forcément, on avait beaucoup de points en commun. J'ai partagé avec elle des moments privilégiés, c'est vrai. Et aussi, lorsque je parle d'elle, c'est un peu ces moments que je revis. Et j'essaie de faire, de parler d'elle de la façon dont elle était et dont je la percevais. Alors j'espère que... Donc on va commencer par sa vie. Je peux dire une chose pour par rapport à ce que tu as dit, là, les enfants autour, c'est un immense... terrain, où ils ont construit des maisons, où vous avez construit des maisons petit à petit, et c'est presque un phalanstère. Hein. Presque. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu que les enfants, j'en parle après dans le cours du récit, vous verrez qu'il y a eu encore d'autres... Ça m'a beaucoup étonné quand j'ai vu ça. Mais tout le monde était étonné. Et c'est vrai que c'est assez particulier. Donc Sarah naît le 1er janvier 1919 à Barcelone, dans une famille d'ouvriers. Elle est l'aînée de 5 enfants. Et malgré son goût pour l'étude, elle adorait apprendre, sa scolarité sera très courte. Et même quand elle allait à l'école, ses parents ne voulaient pas qu'elle étudie à la maison, elle n'avait pas le temps d'étudier à la maison. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se mettait sous le lit, la nuit, elle allumait une bougie, elle se mettait sous le lit pour pas que ses parents voient la lumière ni la voient, et elle continuait un petit peu à étudier ce qu'elle pouvait. Et elle quitte l'école à 12 ans pour entrer dans la vie active. Alors elle commence par travailler à 13 ans au marché du Ninot à Barcelone, comme apprentie dans une boucherie. Et elle se trouve immédiatement confrontée aux dures conditions de travail de l'époque. Conditions encore plus difficiles pour les femmes et pour les enfants, qui souffrent d'un manque quasi total d'instruction et qui subissent un important machisme, les femmes. Alors, elle-même, malgré son jeune âge, est constamment exposée au manque de respect de ses collègues masculins. Et c'est pour cette raison qu'elle quittera rapidement ce premier emploi. C'est là qu'elle commence à prendre conscience de ses problèmes, qui provoquent en elle tout de suite indignation, révolte, un sentiment d'injustice. Et de là va naître sa volonté de défendre les femmes et d'œuvrer pour leur émancipation, ce qu'elle ne cessera de faire tout au long de sa vie. Entre autres. Elle sera ensuite brodeuse, puis corsetière. Le 19 juin 1936, alors que Sarah n'a que 17 ans, éclate le soulèvement militaire et cela changera le cours de toute sa vie. Son père était un militant anarchiste. Il prend immédiatement part à la lutte dans les rues de Barcelone. Quelques jours plus tard, il lui annonce son départ pour le front d'Aragon. Sarah veut absolument le suivre, mais il refuse. Et devant son obstination, elle veut aider la révolution, il finit par la conduire au comité révolutionnaire de leur quartier de Las Corts, pour qu'elle se mette à la disposition, pour voir ce qu'elle peut faire. Et c'est là que, pour la première fois, Sarah s'entendra appeler « compañera », ce qui, pour cette fille, jeune fille de 17 ans, est un bouleversement et une fierté sans nom. Son père part quelques jours plus tard... non sans auparavant avoir appris à sa fille à manier un fusil. Et le 20 novembre 1936, le porte-drapeau Francisco Berenguer, son père, est tué à la bataille d'Almudévar, le même jour que Durruti était tué à Madrid. Pour Sara, c'est un effondrement. Ces quelques jours de lutte avaient renforcé les liens entre le père et la fille, et encore plus l'admiration que déjà elle lui portait avant. Sa mort la révolte et exacerbe son désir de lutte. Lorsque quelques jours plus tard, on lui remet le drapeau que portait son père, elle sait déjà que son engagement est total et qu'elle se vouera toute sa vie à l'idéal qu'elle s'est déjà fixé, le même que celui de son père, dont elle veut être digne et continuer la lutte. Donc, lorsqu'elle commence à travailler au comité révolutionnaire du quartier, les premiers jours d'insurrection, on l'affecte à un local qui a été installé dans un bar pour recevoir d'éventuels blessés. Au bout de 8 jours, n'ayant vu personne arriver, elle demande une autre affectation où elle aura un peu plus de travail. On lui propose alors de coudre des vêtements pour le front. Comme elle a une machine à coudre, elle accepte. Et pendant 3 semaines, elle coud des caleçons. Jusqu'au moment où sa mère reçoit une lettre du front, dans laquelle son père se plaint de n'avoir pu se changer de linge de corps depuis 15 jours, car ils n'ont rien. Ils n'ont pas de vêtements de rechange. Furieuse, elle ramasse tous ses tissus et ce qu'elle avait fait. Elle se rend à nouveau au comité révolutionnaire et elle dit qu'elle ne veut plus continuer à coudre. C'est pas la peine qu'elle couse autant de caleçons si son père ne pouvait même pas se changer de caleçon sur le front. Donc, bon, on lui dit qu'ils auraient besoin d'un dactylo, puisqu'à l'époque, c'était des hommes aussi bien que les... Surtout les hommes, d'ailleurs, plus que les filles, qui faisaient de dactylographes. Ils avaient besoin de quelqu'un. Notamment pour taper les listes des gardes qu'ils avaient à faire. Elle avait commencé à suivre des cours de dactylo depuis un mois. Elle n'hésite pas, elle dit, ben oui, moi je suis dactylo, je viens. Et c'est là qu'elle commencera alors vraiment son travail au comité, seule femme parmi les hommes, et tout naturellement, elle prend des responsabilités de plus en plus grandes. En plus de son travail, Sara participe à toutes les activités collectives organisées par le comité révolutionnaire de son quartier. Elle assiste aux réunions des jeunesses libertaires, et elle prend de plus en plus conscience de son engagement dans la révolution, et elle se sent de plus en plus en accord avec elle-même ce qu'elle veut faire. Le soir, elle fréquente l'atelier libertaire. Et rapidement, le comité lui demande d'y donner, en fin d'après-midi, des cours de culture générale aux enfants du quartier. C'est ce dont elle parlait dans le petit extrait que vous avez pu voir. Alors, elle-même, elle prend aussi des cours dans cet athénée. Parce que le principe de ces athénées qui avaient été créés au moment de la République, c'était pour diffuser l'instruction et la culture au peuple dans tous les domaines. Et chacun apportait ses connaissances et ses idées aux autres, et il s'enrichissait lui-même de la dynamique de groupe et du savoir de tout le monde. Des conférences, des réunions y étaient fréquemment organisées, des activités culturelles et sportives, et bon, il y avait énormément de monde qui fréquentait ces athénées, notamment des jeunes. Et c'est dans cet athénée de Las Corts qu'elle rencontrera l'artiste-peintre Jesús Guillén Bertolín, qui deviendra le compagnon de toute sa vie. À cette époque également, Sara était en relation avec Sol Ferrer, fille de Francisco Ferrer y Guardia, fondateur de l'école rationaliste, et Sol Ferrer insistait toujours pour qu'elle prenne des cours de français. Elle-même en donnait, elle lui disait « Viens, je t'apprendrai un peu de français, viens !» Et elle lui disait, un jour peut-être tu en auras besoin du français, viens. Alors, bon, Sara, elle avait énormément de travail, mais un peu de guerre là, elle a dit, bon, ben je vais venir. Et elle assista à quelques cours de français, sans savoir que quelques années après, ses rudiments de français lui seraient d'une nécessité vitale. Pendant les tragiques événements de mai 37, Sara resta nuit et jour avec les responsables du comité révolutionnaire du quartier, montant la garde commune. Ils ne quittèrent les locaux que le lendemain du cessez-le-feu, c'est-à-dire 5 ou 6 jours après. Un mois plus tard, sur ordre de la Généralité de Catalogne, les comités étaient supprimés, donc Sara ne pouvait plus travailler là-bas, et elle commence à travailler comme secrétaire comptable au syndicat de la construction, menuiserie et décoration à Barcelone. Jesús Guillén et Sara Berenguer commençaient à faire des projets d'avenir. Mais lui partit pour le front, les batailles étaient de plus en plus violentes, les soldats partaient de plus en plus nombreux. Les femmes à l'arrière-garde avaient dû organiser la relève dans les travaux et les activités masculines. Mais elles prenaient conscience par là même de leur propre sens de l'initiative et des responsabilités, de leur capacité à s'intégrer dans la vie économique et sociale. D'autres femmes, dès le début de la guerre, avaient opté pour militer dans les mouvements politiques et d'autres encore avaient choisi de partir sur le front, les armes à la main. Mais toutes découvraient une vie nouvelle dans laquelle elles avaient leur place. Des mouvements féminins avaient été créés par divers partis politiques pour sensibiliser les femmes, des associations avaient vu le jour et l'une d'entre elles, Mujeres Libres, créée en avril 1936, voulait leur permettre de s'affirmer dans le courant libertaire en tant que femme, mère et travailleuse. Et cette association aspirait aussi à ce que l'instruction et l'émancipation de la femme deviennent une réalité et voulait leur donner les moyens d'y parvenir, par l'éducation, par l'instruction du moins. Elle fit un énorme travail et prit une grande importance, cette association, créant des antennes dans tous les quartiers de Barcelone. Et elle éditait un bulletin du même nom, Mujeres Libres, qui était un organe d'information, d'ouverture intellectuelle et sociale pour les femmes. Sara, bien que pressentie par celui de son quartier, ne voulait pas s'affilier à un mouvement de femmes, considérant à juste titre que le changement qui devait se faire devait être réalisé conjointement par les femmes et par les hommes. Mais elle assistait quand même aux conférences de Mujeres Libres et les aidait parfois, car le siège était situé dans le même local que celui des jeunesses libertaires. Un jour, devant l'attitude et les remarques sexistes et dédaigneuses de certains militants qui assistaient à une conférence, les souvenirs de ce qu'elle avait vécu au marché du Ninote lorsqu'elle avait 13 ans la submergèrent. Et prenant la parole, elle explosa de colère et d'indignation. Elle fut vivement félicitée par les adhérentes de Mujeres Libres, qui lui demandèrent d'être leur représentante. Elle accepta à plusieurs reprises, sans toutefois s'inscrire au mouvement. Elle le fera quand même un peu plus tard, et étant aussitôt nommée déléguée. Sara prend à cœur cette nouvelle activité. Visitant les soldats sur le front et les blessés dans les hôpitaux, elle se donne aussi à fond à son nouveau travail au syndicat de la construction, et prend là aussi de plus en plus de responsabilités. À ce moment-là déjà, les bombardements sur Barcelone commençaient à devenir incessants. Quelques mois plus tard, après des problèmes survenus dans son travail et dont elle n'était pas responsable, déçue par l'attitude de certaines de ses collègues, c'était qu'une femme. Elle ne pouvait pas... Elle donne sa démission. Et elle part travailler au Conseil régional de Catalogne de SIA, la Solidarité internationale antifasciste, section du combattant. Cette section avait en charge de veiller aux besoins matériels et d'apporter du réconfort aux soldats, sur le front, en permission, dans les hôpitaux, essayant dans la mesure du possible de leur rendre le quotidien un peu moins dur et d'aider leurs familles. Et également aider les familles des réfugiés, très nombreuses alors en Catalogne. Le travail était considérable et correspondait bien au tempérament de Sara. En octobre 1938, elle est nommée secrétaire de propagande du comité régional de la Fédération nationale de Mujeres Libres à Barcelone et doit quitter le conseil de SIA. L'instruction, l'apprentissage, la formation des femmes, l'aide qui leur était apportée et la situation qui devenait catastrophique à Barcelone, pratiquement réduite en ruine, demandait un engagement total aux membres de Mujeres Libres. Et enfin, le 24 janvier 1939, au matin, alors que Sara se rend à son travail, la panique est totale dans les rues de Barcelone. Les fascistes arrivent. Au comité Mujeres Libres, quelques adhérentes sont en train de brûler et de déchirer les documents pour laisser le moins de traces possible. Dans la nuit, l'ordre d'évacuer a été donné. sous les bombes, Sarah et un petit groupe de femmes décident de partir à pied, faute de véhicule bien sûr, et de quitter Barcelone. Sarah pense qu'elle pourrait peut-être rejoindre la 26e division qui se trouve du côté de Figueras pour aider à soigner les blessés. Le groupe démarre sous la pluie. Sous la pluie et sous les bombes. Il rejoindra, tout au long des 3 ou 4 jours que durera cet exode, d'autres groupes. Formera une colonne, deviendra une procession ininterrompue d'enfants, de femmes, de vieillards, d'hommes, de soldats, transis, affamés, exténués, hagards et désespérés, 500 000 exilés. Au passage de la frontière, Sarah remerciera en pensée Sol Ferrer pour les quelques phrases de français qu'elle lui avait apprises. Dans un premier temps, la marche de Sarah s'arrêtera à Perpignan. Une antenne de SIA y est installée, qui s'occupe des réfugiés, et Sarah les aidera pendant quelques jours. Elle a ensuite l'occasion de partir pour Béziers, où vivait une de ses tantes et sa grand-mère. Et elle s'installera chez elle, où rapidement elle se mit au travail. En effet, tout au long de son périple jusqu'à Perpignan, tout au long de l'exode, Sarah avait donné l'adresse de sa tante à tous les exilés qu'elle croisait. Elle pensait que cette adresse pourrait servir aux couples ou aux familles qui avaient été séparées par la guerre ou par l'exil pour pouvoir avoir des nouvelles et peut-être se retrouver. Et c'est ce qui se passa. Les lettres affluèrent de toute la France. Si bien que le facteur, intrigué par tout ce courrier qui arrivait chez ce couple qui ne recevait que 4 ou 5 lettres par an, alerta la police. Sarah fut importunée 2 ou 3 fois. Mais elle put mener à bien cette tâche quand même. Elle rencontrait un autre problème. Pour répondre à toutes ces lettres, il fallait des fournitures et des timbres. Sarah n'avait aucun moyen pour vivre. Sa famille, très très peu. Sa tante était commerçante ambulante en vêtements et son oncle travaillait la vigne. Donc ils avaient la grand-mère à charge, Sarah, et les 3 frères et sœurs de Sarah, qui avait été envoyé au début de la guerre chez cette tante. Et ils vivaient dans 3 pièces tous. Alors bon, les moyens étaient vraiment très réduits. Alors elle s'adresse à la colonie espagnole à Béziers. C'était une société d'entraide qui avait été fondée au 19e siècle, au moment de la première vague d'immigration espagnole. Elle existait toujours, la tante de Sarah y était affiliée. Et la colonie espagnole accepta de donner les fournitures et de prendre en charge l'affranchissement. L'idée de Sarah fonctionna parfaitement, et elle ne ménagea pas ses efforts en ce sens. Elle n'avait aucune nouvelle de Jésus, mais elle l'attendait, confiante qu'il était toujours en vie. Et en juin 39, il arrivait à Béziers. Il fut obligé d'intégrer le camp d'internement d'Agde, bien sûr, où Sarah allait le voir en vélo. Elle avait appris à pédaler sur le vélo pour la circonstance, mais elle ne savait ni monter ni en descendre. Son oncle, gentiment, l'accompagnait pour l'aider au départ et à l'arrivée. C'est une trompe-l'amour. Ce fut ensuite pour Jésus le camp de Saint-Cyprien. Enfin, en décembre 39, et grâce toujours à l'aide de la tante, le couple peut s'installer à Carente, un petit village près de Béziers. Le travail de la vigne pour Jésus, qui sortait des Beaux-Arts de Barcelone. Des travaux de ménage et de couture pour Sarah. Mais quelques mois de répit et un bébé qui s'annonce. Devant les difficultés de leur vie et leur misère, le couple décide alors de s'exiler au Mexique, qui accueillait des réfugiés espagnols, et leur demande est acceptée. En attendant le départ, Jésus part pour Marseille, où le Mexique hébergeait les candidats qui devaient partir. Sarah, qui avait encore 2 mois avant d'accoucher, ne pouvait pas partir avec lui. Elle demande une entrevue avec la directrice de l'hôpital de Béziers. Et celle-ci accepte l'offre de Sarah. Son hospitalisation, malgré le délai très long pour l'accouchement, contre de menus services de couture ou autres. Et encore une fois, le peu de français que connaît Sarah va lui servir. Notamment, elle se fera l'interprète entre les infirmières et les nombreuses réfugiées espagnoles, parturiantes ou malades, qui passaient par l'hôpital et qui n'étaient pas particulièrement bien suivies. Il faut dire que si Sarah ne rentrait pas à l'hôpital, elle partait au camp d'Agde, elle aussi, enceinte de 7 mois. Germinal naîtra le 30 décembre 1940. Sarah partira alors à Marseille rejoindre Jésus. Mais une épidémie étant survenue chez les bébés hébergés à Marseille, Sarah dut une fois encore se débrouiller, louer une mansarde contre des travaux de couture et de ménage. Et toujours l'angoisse, car Sarah n'avait pas de papier. Et elle devait marcher 3 km tous les jours pour aller chercher ses repas en se cachant avec la poussette et le bébé. Le voyage au Mexique ne se fera pas. L'État français ayant annulé tous les départs d'étrangers pour cause de guerre et de manque de main-d'œuvre. Départ alors pour Bram, petit village dans l'Aude, où se trouve déjà un frère de Jésus. Jésus est employé par un maçon, Sarah recommence les travaux de ménage, de couture, les vendanges, toujours amenant son bébé avec elle. Il s'installe dans une maison de vétuste, et la vie de Sarah et Jésus, bien que très dure, s'organise un peu. Il y a à Bram un camp de concentration où se trouvent beaucoup d'exilés espagnols, ainsi que dans le village d'ailleurs. Et un groupe d'exilés dont Jésus est bientôt réquisitionné pour faire du pain. Il est réquisitionné par les Allemands, bien sûr, pour faire du pain dans les boulangeries du camp, afin d'approvisionner l'armée allemande. Le couple commence à avoir des contacts avec les autres exilés du village. Ils parlent de leur situation, de la guerre, de leur futur retour en Espagne. Et petit à petit, un groupement du mouvement libertaire se forme. Il s'agrandit jusqu'à devenir assez important pour que le comité départemental du mouvement libertaire espagnol soit créé à Bram, chez Sarah et Jésus. Des réunions y ont lieu. Sarah est toujours la seule femme. Les camarades travaillant pour la plupart au camp de jour ou de nuit, c'est Sarah qui se déplace très souvent pour assurer les liaisons entre les divers comités et leurs membres. Parce que bien sûr, c'est quand même clandestin. Hein. Toujours avec son enfant, à droite et à gauche. C'est elle qui diffuse les informations, qui les tape à la machine, et tout en prenant des précautions, car ils savent que la maison est surveillée. Ce qui les oblige de plus en plus à organiser des réunions à l'extérieur dans des endroits peu accessibles. Sarah et Jésus ont aussi commencé à travailler avec la résistance, toujours dans l'idée de lutter contre le fascisme et plus tard d'aider l'Espagne. Et là aussi, c'est Sarah qui se déplace très souvent dans le maquis. Je cite Sarah dans un livre qu'elle a laissé pour ses enfants. « Vie de misère, sans illusion de vivre, tellement nous manquions de tout. » Heureusement, nos idéaux et l'espoir de retourner chez nous en Espagne nous donnaient de l'élan, une énergie que je me demande d'où elle sortait. Sarah est de nouveau enceinte. Elle n'a ralenti pas pour autant ses activités. Un comité de SIA est aussi mis sur pied à Bram, dont Sarah est nommée trésorière. 1943, le mouvement libertaire espagnol s'organise. La résistance est active. Un jour où Sarah se rend à Béziers chercher des documents secrets pour les ramener à Bram, elle s'évanouit dans le train bondé. Elle ne tombe pas, tenue par la foule autour d'elle. Le train était bondé. Elle a son bébé au bras. Elle est enceinte. Lorsqu'elle reprend ses esprits, un soldat allemand la soutient et lui tend un gobelet de café. Un autre une mandarine. Elle manque d'effaillir à nouveau à la pensée des documents qu'elle a cachés sur elle. Le 24 août 1944 naît Sarah, leur fille. Peu de temps après, les boulangeries du camp disparaissent, Jésus commence à travailler à nouveau comme maçon, on sentait un peu plus de liberté dans l'air. Sarah continue toujours ses activités malgré ses deux enfants, elle se refuse à être reléguée uniquement dans son rôle d'épouse et de mère. En avril 1945, Jésus, qui avait été nommé secrétaire du comité national du mouvement libertaire pour la première région, partit à Montpellier pour commencer à organiser le comité régional. Sarah et ses deux enfants restèrent à Bram pour préparer leur départ. Une fois à Montpellier, vie familiale et vie politique allaient de pair. Je cite encore Sarah. « Machine à écrire et documentation campée sur un côté de la table sur laquelle nous mangions. Le duplicateur était entre l'évier et le lit. On trouvait de l'encre jusque sur les draps. Un sac à demi plein de bombes désamorcées resta longtemps sous la table avant qu'on vienne le chercher. Jésus est très souvent en déplacement dans la région. Sarah, en plus des travaux de secrétariat de Jésus, s'occupe des camarades qui passent clandestinement les Pyrénées, de plus en plus nombreux. Fin 1946, le mandat de Nain étant fini, Jésus et Sarah partirent pour Béziers. Et c'est là qu'en février 1947, naquit leur troisième enfant, un garçon, Élisée. Aussitôt à Béziers, ils s'inscrivent à la fédération locale du mouvement libertaire et à la colonie espagnole. Sarah, toujours avec l'aide de sa tante, s'achète une machine à coudre et commence un travail de couture à domicile pour assurer le quotidien. Elle prend en charge le secrétariat de SIA, dont le comité national était à Toulouse. Elle était contente, elle avait repris le contact. N'étant pas très libre quand même avec ses trois enfants, quelques camarades constituèrent un groupe d'affinités idéologiques et se réunirent alors chez elle, et chez Jésus, enfin chez eux, afin qu'elle puisse y participer. Elle s'engagea aussi à taper à la machine des documents pour la colonie espagnole. Et enfin, il y avait toujours autant de passages de camarades dans la maison. De son côté, Jésus avait du mal à trouver un travail régulier de peintre. Il ne faisait que quelques travaux de décoration à la demande. Il participait beaucoup aux activités de la CNT ainsi que de la colonie espagnole, qui était alors très fréquentée par les exilés et par la jeunesse de Béziers. Le 17 mars 1950, naissait leur quatrième enfant, Elenia. Ils étaient six dans un petit appartement, plus le frère de Sarah, Paquito, qui arrivait d'Espagne et qui vécut avec eux le temps de s'organiser en France. Quelques temps plus tard, le comité national du mouvement libertaire demanda à Sarah de donner des cours de sténodactylo par correspondance destinés aux exilés. Elle accepta là aussi et les assura pendant un an. Jésus trouva enfin un travail régulier. Au fur et à mesure que ses enfants grandissaient, Sarah était un peu plus libre de sortir et assistait un petit peu plus aux réunions du mouvement libertaire et aux activités de la colonie espagnole. Le noyau de leurs amis anciens et nouveaux se reformait. Sarah menait tout de front, y compris la couture, même si elle était loin d'avoir les heures de sommeil nécessaires. L'appartement dans lequel ils habitaient étant très petit, ils finirent par acheter un terrain à Montady, à 7 km de Béziers, pour pouvoir aller y passer les dimanches et faire un peu de jardinage. C'est ce fameux terrain. Plus tard, en 1961, ils décideront d'y construire leur maison, qui deviendra pour eux un véritable paradis. Et quelques années plus tard, tout un cercle d'amis était venu s'installer autour d'eux. Germinal Gracia, José Peyrats, Pedro Monino, Acracio Ruiz, ce qui fut quelque chose d'important pour eux tous, qui se retrouvaient à nouveau dans un bouillonnement d'idées, de visites d'amis exilés à l'Amérique, d'actions à entreprendre, et ce, jusqu'à la fin de leur vie. Jésus décide enfin de s'installer comme artisan peintre décorateur. Sarah laisse la couture, prend des cours de comptabilité pour pouvoir s'occuper de la gestion de l'entreprise. Au début, il lui donne un coup de main pour poncer, nettoyer, etc. Petit à petit, le travail augmente, Jésus commence à être bien connu. Le seul point noir pour eux était la situation de l'Espagne et les nombreuses arrestations et exécutions parmi leurs camarades qui continuaient la lutte clandestinement. Des souscriptions étaient faites pour les prisonniers, mais il y en avait de plus en plus. Les dissensions au sein de la CNTMLE étaient aussi un souci pour eux. Et malgré un désaccord avec le comité national, Sarah et Jésus continuèrent toujours à aider les militants clandestins qui luttaient pour l'Espagne. Leur maison leur fut toujours ouverte. En juillet 1963, Sarah doit être opérée d'urgence d'une péritonite. Elle frôle la mort, en réchappe un sort très affaibli. Et c'est en étant hospitalisé que des copains lui apprennent l'assassinat par Franco le 17 août 1963 de Joaquín Delgado et Francisco Granados. C'est pour elle une terrible nouvelle. Et elle écrivit alors son premier poème, qui sortit comme un cri, et qu'elle dédia à une des infirmières qui la soignait et qui lui parlait toujours de la belle Espagne avec passion, ce qui à ce moment-là déchirait le cœur de Sarah. La poésie se terminait ainsi. Belle, l'Espagne pourrait l'être, si on laissait s'exprimer l'écrivain et le poète, et les gens d'un peuple meurtri qui doivent étouffer leurs cris. Et elle expliqua alors la réalité de l'Espagne à son infirmière. En septembre 1963, de nombreuses arrestations eurent lieu en France dans les milieux libertaires. La police vient arrêter Sarah et Jésus. Motif, accusé de faire partie d'une association de malfaiteurs. Jésus s'insurge, sa femme sort de clinique. Il est donc arrêté tout seul. Mais la police revient interroger Sarah longuement, malgré son état de santé. Lors du congrès national de 1965 qui eut lieu à Montpellier, une autre scission eut lieu. En conséquence, Sarah et Jésus furent exclus de la fédération locale du mouvement libertaire de Béziers, qui employa les mêmes mots que la police. Ils sont proscrits car ils font partie d'une association de malfaiteurs, ce qui les indigna et révolta profondément. Et quelque temps plus tard, Sarah, qui avait toujours une grande activité au sein de SIA, fut très surprise d'apprendre qu'elle était aussi exclue de SIA. Quelqu'un fut nommé à sa place, qui venait la voir pour qu'elle lui rédige les lettres et qu'elle le conseille dans le poste, parce qu'il n'avait pas l'habitude, ce qu'elle fit bien volontiers. Les intrigues faisaient à nouveau trembler l'organisation. Les militants des délégations qui avaient quitté le congrès du mouvement libertaire de Montpellier commencèrent à se réunir pour étudier la situation et pouvoir travailler quand même à leur idéal. Ils se rassemblèrent sous le nom de groupe de présence confédérale et libertaire et se réunissaient régulièrement. Un grand rassemblement avait lieu une fois par an, auquel assistaient les délégations qui se trouvaient à l'étranger. Avec la délégation de Londres, venait Acracio Ruiz, qui un jour donna un bulletin de Mujeres Libres en exil à Sarah. Sa compagne était Suceso Portales, une militante de Mujeres Libres. Et elle avait recommencé à éditer le bulletin depuis Londres. Sarah prit aussitôt contact avec elle et une collaboration étroite s'établit entre Londres et Montpellier. Les stencils partaient d'un côté, revenaient faits, repartaient, les articles, et voilà. Et au cours d'un voyage que fit Suceso à Montpellier, elle fut conquise par l'ambiance qui régnait et décida de déménager avec son mari. Ils vinrent donc vivre aussi à Montpellier. Et le bulletin fut alors édité chez Sarah, et ce pendant des années. Avant cela, Sarah put effectuer un voyage à Londres chez Suceso, où elle rencontra des militantes anglaises et le couple Lola Iturbe Juanel, qui était à ce moment-là aussi à Londres. Au retour de passage à Paris, elle prit contact avec Mercedes Coma Posada, une des fondatrices de Mujeres Libres, et un projet de livre sur le mouvement de Mujeres Libres m'y fut mis sur pied, et le livre devait sortir en 1999. Dans les années 60-70, il y avait beaucoup d'émigrations espagnoles. La plupart venaient en France pour les vendanges et y restaient. Tous avaient besoin d'aide pour les démarches, les traductions, leur installation, s'adressaient à la colonie espagnole. Sarah y créa alors une section d'assistance sociale dont elle prit la responsabilité. Elle avait aussi été nommée trésorière de la colonie, poste qu'elle occupera pendant plus de 20 ans. Une autre anecdote. En octobre 1974, eut lieu une manifestation à Béziers contre le régime franquiste. Arrivée devant le consulat d'Espagne, Sarah, qui était en tête de cortège, avoue que l'idée de monter au premier étage, mettre le feu au drapeau franquiste, lui traversa l'esprit. Mais elle se retint. On ne peut passer sous silence son implication dans le comité de défense des écoles laïques, dont elle fut membre du conseil d'administration et déléguée au Congrès de Paris, Elle faisait aussi partie de la Ligue des droits de l'homme, la Ligue pour penser et beaucoup d'autres. Et du CIRA. Oui. Les années passées, Sarah continuait à avoir une infinité d'activités, auxquelles s'était ajoutée l'écriture, qui deviendra plus tard son occupation principale. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. La colonie espagnole lui prenait beaucoup de temps. Sarah et Jésus faisaient aussi partie de la section culturelle, et leur volonté, ainsi que celle de la colonie, était à ce moment-là de faire connaître à tous la variété et la richesse culturelle de l'Espagne, dont bien souvent l'image était réduite à paella et flamenco et point final. Ils avaient aussi pour ambition de mieux informer sur ce qu'avait été la guerre d'Espagne, ce qu'elle avait représenté, ce qu'étaient les républicains espagnols, les rouges qui avaient été accueillis en France et comment, en 1939. Un travail de réhabilitation qui leur tenait beaucoup à cœur. La vie continua son cours, Sarah et Jésus commençaient à avoir des problèmes de santé, à être fatigués physiquement. Sarah avait déjà subi 4 opérations, et elle en subira 3 autres par la suite. Elle correspondait assidûment avec tous ses amis éparpillés dans le monde, recevait énormément de journaux et de revues politiques et littéraires, et elle avait commencé à écrire ses mémoires. En 1997, Sarah et Jésus se voient contraints, le cœur serré, d'arrêter leurs activités au sein de la colonie espagnole. Ils sont trop fatigués. Sous le gouvernement Jospin, en 1998, la colonie espagnole, en reconnaissance du travail accompli, propose Sarah pour obtenir la médaille du mérite. Elle refuse tout net. Pour elle, ce qu'elle a fait, c'était normal, et ce qui est fait et ne demande aucune récompense. Mais la colonie insiste, et elle se décide à accepter finalement, en souvenir de toutes les femmes qui ont souffert, qui ont été opprimées, et qui pour certaines ont perdu la vie en luttant pour leur idéal. Et c'est d'ailleurs à ces femmes qu'elle dédiera sa médaille de la Légion d'honneur. Au vu de son dossier, c'est la médaille de la Légion d'honneur qui lui est décernée le 31 octobre 1998 pour son engagement associatif et ses faits de résistance. Aider les autres, défendre la liberté, la paix, les droits des femmes, ça a été toujours le combat de sa vie. Un an après, Jésus est gravement malade. Oubliant ses propres difficultés, elle le soigne pendant un an. Son décès le 20 août 1999 est pour elle une épreuve terrible, dont elle sort physiquement mais aussi moralement anéantie. Plusieurs mois lui seront nécessaires pour reprendre des forces. Mais son besoin impérieux d'écrire est là, qui la tenaille, et sa volonté implacable a raison de tout. Devant sa détermination à continuer malgré son épuisement, sa plus jeune fille, Elenia, lui propose de travailler sur ordinateur. Cette idée la séduit, elle a tant à faire et le temps lui est compté. Sans douter de quoi que ce soit, toujours prête à aller de l'avant, elle accepte. À 80 ans, elle en maîtrise les premiers rudiments et après quelques mois de pratique, s'abonne à Internet. Le monde entier s'ouvre à elle. Jusqu'à la fin de sa vie, elle passera de nombreuses heures, d'ailleurs il y a des photos qu'on voit vous derrière l'écran, elle passera de nombreuses heures derrière son écran, à un clic de tous ses amis, se relevant parfois la nuit lorsqu'une recherche la taraude ou pour réparer un oubli. Durant toutes ces années d'exil, Sarah a conservé précieusement de nombreux journaux, documents et photos de la guerre d'Espagne qui emplissent sa maison. Cette tranche d'histoire longtemps occultée éveille maintenant, éveille maintenant l'intérêt des nouvelles générations et des fils et petits-fils d'émigrés curieux de ce passé. De son sourire accueillant, elle reçoit souvent des étudiants écrivant leurs thèses et désireux de mieux connaître cette période. À l'occasion de ces rencontres, un regain de jeunesse l'anime. Elle accepte plusieurs interviews de journalistes, notamment pour la télévision, témoigne dans des vidéos, etc. C'est la suite logique de son parcours et par là même une évidence. Il ne suffit pas d'avoir lutté pour sortir un peuple de l'oppression et de l'ignorance. Il faut également informer la jeunesse, transmettre le vécu, laisser un témoignage. Son comportement tout au long de sa vie, son courage, sa volonté sans faille, empreinte de douceur toujours. Son désir de vivre malgré les difficultés de la vie force l'admiration. Jusqu'au bout, malgré ses souffrances, tenant tête à la maladie et à la vieillesse, son esprit est resté serein et lucide. Seul le temps lui a manqué pour aller au bout de son travail de mémoire. À 91 ans, ses forces l'abandonnent. Sarah nous quitte le 8 juin 2010. Vous avez un aperçu de la vie de Sarah. Une petite anecdote par rapport à l'ordinateur, parce que c'est vrai que c'est remarquable de s'y mettre à 80 ans. Gilles, qui est là, m'a un jour dépanné par téléphone quand j'étais chez elle. Ah oui, elle m'en a vu parler, oui. Elle n'arrivait pas à envoyer une pièce jointe, moi je ne comprenais pas pourquoi, mais parce que sur l'IMAC, c'est particulier. Tu as trouvé la solution, il y a une option qu'il fallait mettre et qui n'était pas. C'était pour envoyer le manuscrit à son éditeur à Barcelone. Et elle a envoyé le message, mais il n'y avait rien avec. Elle tâtonnait parfois, ce qu'on peut comprendre. Hein. Oui, ça, mais moi, je n'ai pas compris pourquoi, mais moi, ça ne marchait pas. Moi, j'étais morte de rire quand je voyais faire, parce qu'elle n'y arrivait pas. Et puis je me disais, mais cette machine, elle est folle, cette machine. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle me fait. Mais, c'est vrai que... Mais elle en a fait du boulot sur cet ordinateur. Hein. Elle en a fait. Mais elle monopolisait toute la famille quand même. Hein. Les uns cherchaient une chose, les autres une autre. Tout le monde était monopolisé. On va continuer par l'œuvre de Sarah, son œuvre de poète et d'écrivain. Donc vous savez maintenant dans quelles circonstances le premier poème de Sarah est né, en 63. Elle avait déjà 44 ans. Enfin déjà, elle avait 44 ans. Le besoin impérieux d'écrire ne la quittera plus, donnant naissance à une œuvre poétique et littéraire considérable. Mais il y avait déjà un certain temps que Sarah écrivait sur tous les morceaux de papier qui lui passaient par les mains. Deux ou trois phrases par-ci, deux ou trois idées par-là, et elle mettait de côté, elle gardait. Et toute sa vie, elle aura cette habitude d'utiliser le moindre morceau de papier libre, des poches en papier, des versos d'imprimés, des vieux cahiers, pour noter ce qui lui venait en tête ou en faire des brouillons. Ce fut tout d'abord de délicats poèmes pleins de tendresse et d'une grande sensibilité, où elle exprima sa passion de la nature et des fleurs, qu'elle cultivait amoureusement dans son jardin, parce qu'elle travaillait aussi son jardin. Il y en eut d'autres plus malicieux, des contes pour enfants. Mais très vite aussi, ses idéaux et sa lutte pour la liberté éclatèrent dans de nombreux poèmes, beaucoup plus profonds. Tout événement qui l'émerveillait ou qui l'indignait lui inspirait un nouveau poème. Pour Sarah, la poésie devint aussi une autre façon de lutter. Lorsque sur les nombreux journaux et revues auxquels elle était abonnée, un article lui plaisait, elle envoyait un poème. Et elle était toujours surprise, mais très heureuse, lorsque peu de temps après, elle le voyait publié. Au fil des mois, les poèmes se multiplièrent, et encouragée par une amie écrivain, elle participa alors à des concours de poésie. Et elle obtiendra de nombreux prix, comme le premier prix Federico García Lorca à Barcelone en 83, le premier prix de l'Académie européenne des arts à Paris en 88, le premier prix international littéraire de Belgique en 91, et tant d'autres. Elle écrivait aussi bien en castillan qu'en français, ou encore en catalan, sa langue maternelle. Des recueils de ses poèmes furent édités dans les trois langues, ils apparaissent aussi dans de nombreux livrets et anthologies. Plusieurs associations artistiques la sollicitèrent, auxquelles elle adhéra. Elle reçut des lettres de poètes de nombreux pays, et finit par correspondre de façon très suivie avec tous ses auteurs, dont certains devinrent des amis. Parallèlement, elle faisait paraître des articles dans la presse, dans les revues, dans les bulletins, aussi bien libertaires que littéraires. Elle recevait de nombreuses demandes dans ce sens et elle répondait toujours. Ses articles portaient sur des sujets aussi variés que l'éducation des enfants, les faits de société, la guerre et la révolution en Espagne, évidemment les femmes, etc. Elle préfacera également une grande quantité de livres à la demande de leurs auteurs, en commentera d'autres. Au long des années, la génération des compagnes et des compagnons de lutte de Sarah allant en s'amenuisant, elle écrira à chaque disparition, le cœur plein de douleur, d'émouvantes nécrologies. Enfin, le courrier qu'elle échangeait depuis la fin de la guerre avec tous ses amis éparpillés de par le monde était impressionnant. Sarah conservera toujours cette correspondance. On en avait des cartons et des cartons. Ce travail d'écriture et d'échange était vital pour elle. Elle croyait en la force de l'écriture, comme elle croyait en la nature de l'homme. Et elle n'avait aucune hésitation à écrire et à envoyer ce qui lui semblait être en mesure de pouvoir faire avancer les choses. Lorsque circula la pétition du comité de soutien d'Ygrine Bettencourt demandant sa libération, non seulement elle fit parvenir sa signature, mais elle envoya également une lettre adressée au chef du FARC. Elle lui disait sa certitude que l'humanité qui était au fond de lui et la pensée de sa mère lui ferait accepter de libérer cette autre mère. Sarah voulait témoigner et elle ne pouvait garder pour elle l'expérience vécue pendant la Révolution en Espagne. Son premier livre, édité en 1976, est autobiographique. Entre el sol y la tormenta, 32 meses de guerra. Entre soleil et tourmente, 32 mois de guerre. Livre de souvenirs qui se termine en 1939, au moment de l'exil. Elle y relate notamment son action de militante et sa lutte pour la condition féminine. Elle participe également à la rédaction du livre Luchadoras Libertarias, militante libertaire, édité en 1999, qui regroupe les souvenirs d'un groupe de femmes ayant appartenu au groupe de Mujeres Libres. Malgré ses nombreuses activités et sa santé précaire, elle trouve le temps de collaborer activement à la traduction en espagnol de l'Encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure, édité au Mexique en 1972. Et de même, 2 ans avant sa mort, elle a participé à la création de l'Encyclopédie de l'anarchisme espagnol de Miguel Iñiguez, écrivant certaines biographies et recherchant des photos pour les illustrations. Les 3 tomes de cette encyclopédie ont été publiés en 2008. Cette même année paraîtra son dernier livre, Mujeres et Temple. Mais depuis quelque temps déjà, Sarah avait aussi en cours de réalisation un autre projet très important pour elle, la suite de ses souvenirs, qu'elle avait intitulé « Otra vida », une autre vie, c'est-à-dire sa vie en France de 1939 à 1999. Au moment de son décès, le manuscrit était pratiquement terminé. Seules quelques pages sont encore à déchiffrer. J'ai bon espoir de pouvoir peut-être le terminer. Sarah, jusqu'à son dernier souffle, a eu à cœur de transmettre et de diffuser toute la culture des idéaux de liberté et d'humanisme qu'elle portait dans son cœur. Et je vais vous présenter Mujeres et Temple pour finir, donc son dernier livre. Mujeres et Temple a pour titre français « Femmes d'Espagne en lutte, le courage anonyme au quotidien, de la guerre à l'exil ». Un titre un peu long, mais il nous a été impossible de trouver en français un mot qui traduise la complexité du mot espagnol « temple », surtout dans le cadre de ce livre. En 1997, Rafael Mestre, tu le connais, je crois, de Valencia, un ami de Sarah, lui avait suggéré d'écrire sur la lutte et le vécu des femmes pendant la Révolution espagnole. Mais Sarah était alors très occupée et elle avait tout d'abord écarté cette idée. Pourtant, elle lui revenait de plus en plus obsédante. Et elle commença à contacter des compagnes de sa génération, à les interroger, à réunir des faits et des dates, des témoignages, en vue d'un travail ultérieur. Mais ce ne fut qu'en 2000, après une de ces innombrables hospitalisations, que fatiguée mais désireuse d'entreprendre un nouveau travail, elle reprit la matière qu'elle avait en main pour commencer à donner forme à ce livre. Elle décida de raconter le parcours de certaines femmes qu'elle connaissait personnellement et d'autres qui étaient décédées mais dont elle connaissait très bien les proches. Ceci pour laisser un témoignage et leur rendre hommage à elle qui, entre tant d'autres, avait lutté et souffert pendant cette guerre d'Espagne. À travers ces quelques vies, Sarah voulait aussi diriger cet hommage à toutes les femmes anonymes. L'édition espagnole du livre parut en 2008, donc c'est celle-ci. Dans cette première édition, Sarah raconte la vie et l'engagement de 26 femmes, 20 espagnols et 6 de nationalités différentes, ayant des antécédents et des parcours très éloignés, mais qui toutes ont lutté à un moment de leur vie pour deux causes très imbriquées l'une dans l'autre, la guerre d'Espagne et l'émancipation de la femme. Par leur qualité, ces femmes mériteraient d'être citées individuellement toutes. Alors, les 6 femmes étrangères qu'avait choisies Sarah étaient déjà très connues lorsqu'éclata la guerre d'Espagne, par leurs idées, par leur appartenance aux mouvements anarchistes, humanistes ou libertaires, par leur désir d'entreprendre et de lutter, de faire vivre les idéaux de fraternité et de liberté. C'étaient des femmes instruites et cultivées, soit parce qu'elles étaient nées dans des familles, disons, privilégiées, soit parce qu'elles avaient eu l'occasion d'acquérir ces connaissances par elles-mêmes. C'est le cas de la Russe Molly Steimer, anarcho-syndicaliste dont la vie fut une succession d'emprisonnements en Europe et aux États-Unis, mais qui continua toujours sa lutte. Grete Zaraznik, autrichienne, qui se rendit en Espagne pour enseigner l'allemand en 1936. Elle était antimilitariste et secrétaire d'un théoricien anarchiste. Elle fut déportée au camp de Ravensbrück. Simone Veil, philosophe française qui combattait aussi en Espagne pendant la guerre, May Piqueret et tant d'autres. Pour ces femmes, la lutte fut une décision réfléchie, un acte politique et social décidé, une volonté de travailler un monde plus juste et meilleur. Sarah a cherché des jours entiers dans des encyclopédies, des journaux, des livres, Internet, recevant et envoyant de nombreux courriers, faisant un travail de fourmi, rapprochant des faits et des dates, pour résumer en quelques pages, de son écriture sensible et chaleureuse, le cours de ses vies. Les autres femmes du livre sont toutes des femmes espagnoles, pour lesquelles la guerre et la lutte contre la dictature ont fait irruption dans leur vie. Au hasard de la lecture, nous pouvons citer Julia Hermosilla Aranzáez, fille et femme de militants du Pays Basque. Elle commence à travailler à 17 ans en vendant la presse libertaire. Grande militante elle-même, très courageuse, toute sa vie, elle se battit contre le fascisme en prenant beaucoup de risques, aidant les guerrilleros, retournant en Espagne clandestinement à maintes reprises. Libertad Lodenas, qui fut aussi une active militante, est partie sur le front. Sa sœur Marie Laporte, qui, elle, malgré l'envie qu'elle avait de partir lutter sur le front, elle resta à Barcelone pour prendre en charge les parents, ses enfants, les enfants de sa sœur. Et donc elle sacrifia son envie de lutte pour s'occuper de toute la famille et pour que les hommes et sa sœur puissent partir sur le front. Après, ils partirent tous pour l'exil. Gabrielle Aspas, qui habitait Béziers, qui aida son mari lorsqu'il prit le maquis en Espagne, fut emprisonnée à sa place lorsqu'il s'échappa de prison et qui passa enfin la frontière à pied en 1950 par les Pyrénées enneigées, seule avec ses 2 filles en bas âge, pour rejoindre son mari en France. Toutes ont eu des parcours très durs. Ces femmes étaient des proches de Sarah. C'étaient des amies qu'elle a fréquentées toute sa vie. Leur biographie, Sarah les a écrites en parlant avec elles et leur famille, les écoutant, partageant avec elles pendant de longs moments les émotions et les souvenirs qui surgissaient à nouveau. Dans l'édition française du livre, qui est plus petite donc, ce sont uniquement les vies de ces femmes espagnoles qui sont relatées, tissant des pages chargées d'émotions, de l'émotion qui peut naître seulement de la rencontre entre des personnes ayant partagé les mêmes idéaux et les mêmes épreuves. Sarah était en symbiose avec ces femmes. Elle en faisait partie. Ce sont des témoignages directs, émouvants, vrais, certains sous forme de dialogue, d'autres retranscrits, mais par une des leurs. Et nous nous retrouvons, nous lecteurs, plongés dans une époque et des événements dramatiques que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui. Ces femmes étaient des femmes simples, sensibilisées ou pas à l'idéal libertaire. Elles n'étaient pas toutes préparées à assumer ce qui arrivait, mais elles étaient pleines de courage et de force, et savaient ce qu'elles ne voulaient plus supporter. Elles prirent des décisions difficiles, à l'absence du mari ou du père, combattant ou emprisonné, s'occupèrent seules de la famille et des enfants, entre horreur et souffrance. Elles participèrent à la lutte autant qu'elles le purent, et de la manière qui se présentait à elles. C'était des femmes qui n'ont jamais abdiqué, qui ont toujours gardé leur idéal et leur façon de penser, qui ont porté très haut l'idée de la loyauté et de l'amour. Combien d'entre elles, encore des mois ou des années après la guerre, ont eu le courage de passer la frontière à pied avec leurs enfants, clandestinement, pour fuir la dictature et rejoindre leur mari en exil? Elles ont choisi l'exil pour pouvoir vivre et éduquer leurs enfants dans la liberté, et ce, malgré la dureté et l'angoisse de la nouvelle vie qui les attendait dans un pays inconnu, pas forcément amical, dont elles ne connaissaient pas la langue et dans des conditions de vie précaires. Si pour ces femmes l'intégration a été difficile, surtout au début, elles ont réussi à ce qu'elle soit complète pour leurs enfants. Certaines ne purent s'échapper d'Espagne, d'autres choisirent d'y rester ou d'y retourner, sans pour autant accepter la chape de plomb du fascisme. Elles continuèrent à lutter clandestinement, malgré le danger que cela supposait, attendirent des années la libération de leur mari ou de leur compagnon emprisonné, ou encore souffrir, elles aussi, l'emprisonnement ou la condamnation à mort. Elles résistèrent de toutes leurs forces, tous les jours et pendant de longues années, à la volonté du gouvernement franquiste qui les soumettait au poids de la doctrine et de la religion, soit par la force, soit par la tentation, en leur faisant miroiter des conditions de vie meilleures si elles renonçaient à leurs idéaux. Et c'était pour elles une lutte personnelle, tenace et de tous les instants. Toutes ces femmes sont des femmes qui, à leur niveau, ont aussi fait l'histoire, l'ont vécu spontanément, l'ont soufferte, mais elles n'auront jamais de reconnaissance officielle. Aucun monument ne sera érigé pour elles, elles ne paraîtront dans aucune encyclopédie, leur trace se perdra. Pourtant, grâce à Sarah, elles continueront à vivre dans son livre et laisseront leur témoignage. Et ceci est bien et juste. Ces femmes espagnoles, tellement dignes, m'ont beaucoup aimé. Comme tant d'autres, elles ont prouvé au monde de quoi est capable une femme, de faire autant et aussi bien qu'un homme, la femme qui a été pendant tant de siècles, et pour certaines le sont encore aujourd'hui, violentée, infantilisée, niée complètement. Et Sarah, pour l'avoir vécue dans sa jeunesse, avait fait de la libération de la femme et de son émancipation une des priorités de sa vie. Ces femmes doivent être remerciées pour l'exemple qu'elles nous donnent et le travail qu'elles ont accompli. Personnellement, je leur garderai toujours dans le cœur une tendresse particulière, car elles nous ont montré une nouvelle manière d'être et de penser, et ont semé des graines pour essayer de faire germer une époque un peu plus juste et un peu plus libre. Je les admire, comme j'admire Sarah et la remercie, pour avoir participé à cette lutte et pour avoir voulu et su pérenniser les témoignages de ces femmes qui, grâce à elles, seront un peu moins anonymes. Voilà. Si bien, vous... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, poser une question? Alors, moi, je voudrais vous interroger sur une méthode d'avortement, parce que le monde s'est mis, l'égalité de l'avortement en 1937, ça me paraît, le monde s'est construit. Alors, je voudrais savoir quelle était la méthode, parce que la méthode d'aspiration, elle date des Indiens. Bon, elle n'était pas à l'époque, c'est quoi la culture otage? Alors là, je suis désolée, mais là, je ne peux pas vous répondre, c'est une question beaucoup. Alors, deuxième question, je voudrais savoir, parce que là, vous des propos gentillets, vous voyez, tout ça, c'est ce qui m'est arrivé, oui, monde merveilleux, monde ouest, quoi, le meilleur des mondes de luxe, romantique et tout, Jésus, les amours libertaires, c'est pas des amours libertins. Mais est-ce que, par exemple, vous demandez l'égalité, d'accord, c'est nouveau, oui, mais l'égalité. terme pour mes femmes, tout le monde. D'accord. Mais est-ce que vous saurez vous arrêter après? Je veux dire, c'est ça le problème. Parce que l'égalité, c'est du bon topic. Après, quand on boit, pour ça, par exemple, c'est aussi des matriarcales, où l'homme n'hérite pas, ou il est infantilisé, ou il est violenté, ça existe. Bon. Qu'est-ce qu'on vous raconte? C'est pas compliqué le débat, j'espère. Vous êtes matriarcale, ça existe. Mais c'est pas le sujet. Je peux vous dire que personnellement, je suis contre l'exagération du machisme et contre l'inverse, l'exagération des femmes. C'est l'égalité qu'on demande, c'est tout. Sur le plan libertaire, on ne s'occupe pas femmes, hommes, âgés, etc. On voit l'individu. Exactement. Je pense que c'est peut-être une réponse qu'on peut apporter à monsieur. Oui, ceci étant, c'est vrai que les femmes étaient dans une stèle. Vous avez dit que pour traduire cette expression de timbler, c'était pas possible. Est-ce que vous pourriez la développer? Ça voulait dire quoi? Alors, dans ce mot de timbler, et on en a regardé, même avec Isabelle d'ailleurs, et même avec Nimo, on a cherché dans le dictionnaire et tout ça. Mais dans ce mot de timbler en espagnol, il y a beaucoup de notions qui rentrent. Il y a une notion de courage, d'honneur, de maîtrise de soi, d'une haute échelle de valeur. Et c'est très difficile, on n'a pas trouvé, le mot courage n'est pas bon, le mot honneur n'est pas bon. Dans quel contexte il est employé, par exemple? Eh bien, par exemple, là, quelqu'un qui a du temple, il est utilisé, mais là, dans un tout très particulier, un tour machine. Ah, ouais. Oh là. Non, mais voilà, par exemple. Mais là, c'est plutôt moi, je ne connais pas trop, hein, mais c'est plutôt pris dans le sens d'une... D'une élégance, d'un échange avec le taureau, d'une maîtrise, voilà, de bravoure, de maîtrise de part et d'autre. Hein. Voilà, c'est dans ce sens-là. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec ça, mais dans ce sens de temple comme ça, c'est vrai qu'on peut le traduire tout simplement par courage, mais à mon avis, ça n'est pas suffisant. Pour la tauromachie, après, c'est vida la muerte. Noblesse, ça irait pas. Ça va ensemble. Pardon, noblesse, par exemple. Ouais, mais ça rentre aussi la noblesse, hein, mais non. Il y a courage, il y a noblesse, il y a, je vous dis, sens des valeurs. Maîtrise de soi, enfin, c'est très très difficile, on n'y est pas arrivé. Donc elle a écrit sur beaucoup de femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur elle? Elle. À part elle. Elle a écrit ses mémoires, donc ouais. Le premier livre jusqu'en 39, et après l'autre qui n'est pas pour l'instant terminé, j'espère pouvoir arriver à le faire. Et en fait, puisqu'elle a laissé quand même elle a laissé les pages de l'année dernière. C'est du castillan, c'est du castillan. Oui, du castillan. Et en catalan, ça n'existe pas. Si. Non, elle a écrit des poèmes. Non, mais le même mot, le mot dont vous parliez. Je ne sais pas. Non, le mot dont vous parliez. Je ne domine pas le catalan, je le comprends, je le baragouine, mais... Vous voyez que les catalans, ils viennent de supprimer la corrida. Les Catalans du Sud, hein, pas... c'est parce qu'ils n'avaient pas le mot. les Catalans du Sud, maintenant ils viennent tous au corrida à Serret. C'est ce que j'allais dire. Oui, tous les Catalans ne sont pas d'accord. Le Roussillon maintenant va attirer tous les aficionados. À Serré, il y a même conflit entre les anards de Serré, entre ceux qui sont pour la corrida et ceux qui sont contre. Parce qu'il y en a qui sont pour. Alors, moi, ben, excusez-moi, je vais peut-être dévier, mais on parlait beaucoup de la maman, mais moi je voudrais savoir un peu le comportement avec et l'état d'esprit des enfants vis-à-vis de parents aussi costauds. Alors, il y a plusieurs plusieurs ressentis des enfants. On n'a pas subi, mais on a vécu cette vie, donc, sans savoir ce qui nous arrive. C'était une chose tout à fait normale et naturelle. Le combat de nos parents faisait partie de notre combat. Donc, non, ouvertement. En même temps, nos parents nous isolaient un peu des gros problèmes parce qu'il y avait des problèmes de responsabilité quand on était gamin et voilà. Ils évitaient de nous inclure dans leur. C'est plus tard que. Voilà, et avec l'analyse actuelle, l'analyse 40 ans, 60 ans, parce qu'on est des mamans qui ont des grands enfants, et ça nous retombe un peu sur le nez aussi. Donc, moi, j'aimerais bien savoir votre idée là-dessus. Nous, on est quatre frères, on est tous différents. Je suis du. Vous êtes le premier. Voilà, peut-être que parce que j'ai participé à un tas de choses, au fait que que l'anarchisme ou tout ce mouvement m'est très familier. Par contre, mes frères qui sont plus jeunes et qui ont subi d'autres influences extérieures sont différents. Et vous êtes un peu dégoûté, dégoûté par moment de cette lutte des parents et de subir. Mais ça fait partie de la vie. Non, mais si vous l'acceptez, c'est bien. Voilà, c'est déjà bien. Parce qu'il y a des enfants qui sont traumatisés. Rajouter quelque chose. Comment ? Je peux peut-être rajouter quelque chose. Germinal, c'est l'aîné. Il a suivi sa mère partout. Même quand elle était enceinte, elle partait partout avec le bébé. Quand il est né, elle l'amenait partout, dans le maquis, etc. Je ne sais pas comment vous dire, il a vécu ça tellement que pour lui, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je pense qu'il a gardé des rapports avec sa mère très particuliers. Parce que tu as vécu tellement de choses fortes avec elle que... sa sœur, par exemple, qui est née en 44, en a souffert. Voilà. Bon, j'en ai eu discuté avec elle souvent. Elle en a souffert. Elle ne comprenait pas que l'implication de mes parents pour certaines choses, parce que c'était au détriment peut-être pour elle. C'est ce qu'elle disait. Pour moi, mes parents n'étaient pas assez pour les enfants. Ouais. Voilà. Donc, les gens qui passaient tout ça, à la limite, ça je ne sais pas plus que ça, mais le fait que sa mère ne soit pas là pour la préparer pour partir à l'école parce qu'elle était fatiguée, elle avait cousu jusqu'à minuit, 1h du matin, le matin, elle n'était pas réveillée à 6h30, 7h pour s'occuper des enfants, donc quand ils étaient plus grands, ils s'occupaient seuls de partir à l'école, etc. Ma belle-sœur en a souffert. Et pendant très longtemps, elle a rejeté tout ça. Mais voilà, vous voyez, ma question était... Oui, mais c'est pour ça que je vous réponds, que je suis bien placée, parce que j'en ai parlé avec elle. Mais je pense que ça venait du grand militantisme, du grand travail que faisait, parce que c'était toujours ça quand même. À côté de ça, pour Sarah, ses enfants, et elle le dit à maintes occasions, ses enfants, ça a été une de ses raisons de vivre aussi. Hein, ça. Mais les enfants étaient avec tout le reste. Mais voilà. De suivre avec tout le reste. Par contre, les deux plus jeunes n'ont pas du tout eu le même ressenti, ni celui de Germinal, ni de celui de la seconde. Ils ont été, eux, ça a été 47 et 50, voilà. Déjà, c'était différent, eux, ils ont vu ça de beaucoup plus loin. Ceci étant, aucun des enfants, et ça, Sarah et Jésus n'ont jamais incité leurs enfants à adhérer à quoi que ce soit. Ils auraient pu marquer beaucoup les enfants au point qu'ils soient militants et tout ça. Ça n'a pas été le cas. Et les parents ont respecté, ils n'ont rien dit jamais. C'est vrai que... Mais c'était des époques tellement difficiles, tellement... C'est vrai que quand on avait un idéal et qu'on était engagé, je pense que c'était normal tout ce qu'on faisait. On ne pensait pas... Au-delà. Moi-même, je me suis des fois posé la question de dire, mais comment, quand on a un bébé de quelques mois ou d'un an, on peut le prendre dans le maquis, etc. Non, c'est pas ça, c'est engagé sur le... Oui, sur mais je comprends, mais moi, je me suis posé cette question. En tant que mère, je me dis, est-ce que toi, tu aurais fait ça avec ton fils dans les bras? Bah, il faut être dans cette situation. Je crois qu'il faut se trouver dans des situations parce qu'on ne peut pas répondre à ça. On ne peut pas répondre à ça. Mais c'est une question que je me suis posée parce que c'était quand même un danger permanent. Un danger permanent. Il y a aussi le passage de la génération suivante, là, par exemple la petite fille, c'est ta fille ou la fille de tes belles sœurs qui était là quand on a fait venu chercher les. Oui, Lynn, oui, parce que. Bon, elle s'intéressait beaucoup. Elle s'intéressait beaucoup. Au truc de sa grand-mère. Maintenant, moi, je peux vous donner. Recul, avec une certaine recul, c'est-à-dire que. C'est pas une génération. Par contre, moi, j'ai un petit-fils qui a 11 ans, et quand on a sorti le livre et tout ça, il a été très, très, très intéressé. Du coup, il veut prendre l'espagnol, il va rentrer en 6e, il veut prendre l'espagnol, il veut pouvoir lire les livres, et il m'a demandé plein de trucs sur la guerre d'Espagne. On a fait un hommage à Sarah, on a présenté son livre ici à la Comédie espagnole, justement, de Béziers. C'était un moment très émouvant et très, très fort. Et il y avait donc tous nos enfants et nos petits-enfants. Nos petits-enfants, ceux qui ont assisté à le livre de 11 ans et de 8 ans, je me suis dit, ils vont trouver ça long. Et le dimanche, on a fait ça le samedi soir, le dimanche matin, il a fallu que je leur fasse un cours d'histoire. Tellement, j'étais soufflée parce qu'ils avaient bien enregistré, oui. Et ils m'ont posé des questions très pertinentes. Et sur la barbère, et sur la situation. Alors là, ça. J'ai été contente. Maintenant, je peux vous parler de mon cas personnel. Moi, je suis née en Espagne. Mon père a fait la guerre d'Espagne. Il était parti avec la Columna de Hierro. Il était de la CNT. On est parti en exil, mais en 1950, mon père a fait les camps de concentration, et toute ma. En Espagne, hein, et toute mon enfance, j'ai entendu parler de ça. Mon père était militant, ma mère pas du tout. Elle était tout à fait en dehors de ça. Et mon père était militant, c'est comme je crois que je le disais, il allait voir ses copains en prison après la guerre, il faisait des collectes, enfin bon, il était quand même militant, sans être quand même vraiment. Et toute ma vie, toute mon enfance et mon adolescence, j'ai entendu parler de la FDT, de si, je m'intéressais beaucoup à tout ça. Ça m'a toujours intéressé, mais je n'ai jamais non plus milité. Voilà, et je continue, maintenant je fais des recherches sur mon père, je lis des livres sans arrêt là-dessus, bon voilà. Ça m'a intéressé toute ma vie. Mais bon, je n'ai pas eu la pression que de chez Germinal, où vraiment, c'était vraiment du militantisme pur et dur. Quand Sarah et Jésus ont été arrêtés, il a fallu qu'ils aillent jeter des balles, qu'ils aillent brûler des papiers, Germinal. Et même Elenia qui avait 13 ans, parce que Sarah, elle sortait de clinique, elle ne pouvait pas bouger. La police allait revenir, ils étaient déjà venus l'interroger, ils lui ont dit « on va revenir ». Donc elle avait des documents qui étaient compromettants, elle a dit à sa fille qui avait 13 ans, c'était la seule qui était à la maison ce jour-là, elle lui a dit, prends ses papiers, va les brûler dans le jardin. Et la petite a eu l'idée, il faisait du vent ce jour-là, et la petite a eu l'idée de prendre un bidon et de le brûler dans le bidon. Voilà. Et par contre, maintenant, ne lui parlait pas de tout ça à la soeur, à Elenia. Elles m'ont aidée. Sarah, bon, à la fin, quand elle est partie, elle avait la maison... Pleine de tout, le garage, la maison, on a mis plus d'un an pour classer, trier, ranger, distribuer, et encore, j'ai la maison pleine moi, parce qu'il y a plein de choses que j'ai voulu garder, il y a des choses que je veux encore trier, il y a des choses que je veux taper, bon, enfin, bref, j'ai encore moi la maison. Et quand Sarah est partie, mes belles sœurs ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait de tout ça? J'ai dit, attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Et j'ai dit, moi en tout cas, j'ai l'intention de faire quelque chose. Hein, Et donc, elles ont dit, quand même, tu as raison. J'ai dit, attendez, c'était quand même toute sa vie, tout ça. Bon, et puis, c'est important. On ne va pas faire un feu de joie. Et donc, elles m'ont aidée. Et j'ai été très contente parce qu'elles se sont prises au jeu. Elles ont découvert leur mère. D'une autre façon, des choses que elles ont été très touchées, et j'ai trouvé que c'était super. Et à toutes les trois, voilà, on a déblayé le terrain, on a fait. Voilà. Et là, notamment Sarah, donc la seconde, elle m'a dit, c'est vrai que quand même, tu vois, bon, moi je ne me voyais pas comme ça, c'est vrai qu'elle a fait des choses importantes, c'est vrai que... Et elle s'est prise au jeu. Alors ça, c'est bien. Et les poèmes que vous aviez promis? Ah bien, si vous voulez, si vous n'êtes pas fatigué. Alors je vais vous lire un de ces poèmes, « Abat les armes ». Partout dans le monde. En français ? En français, oui. Abat les armes, partout dans le monde. Abat la guerre, abat les armes. Abat les képis, ou alors, abat les crânes qui n'ont point conçu d'âme. Abat l'argent, source de malheur de millions de gens. Soutien du mensonge, soutien des feignants. Là où rien ne s'écroule, l'argent s'accumule dans la poche des gens, sans cœur ni scrupule. Pourquoi et pour qui on a fait la guerre? Ça n'a point été pour ôter la misère, ni aider le peuple pour qu'il se libère. Car il est encore parmi les ténèbres, un bandeau aux yeux et absent d'idéal. Les peuples fanatiques par tant d'ignorance, les armes à la main, ont sacré tant de rois. Et coups de sermon, paroles à outrance, et coups de canon, des bombes et des lances. Et la terre brûle, et brûle les bois, et brûle les vies, et tout recommence. Et le pape dit, faites des enfants, qui feront la guerre quand ils seront grands. Pour défendre qui? Pour défendre quoi? Mais bien sûr, l'argent. L'argent pourrit les hommes, la guerre les décompose. L'un et l'autre les affole, l'un et l'autre les triture, dans leur course délirante et folle. L'argent n'a pas d'odeur, la guerre est aveugle. Et en se donnant la main, on entretue les peuples. Elle l'a écrit en 79. Elle l'a écrit directement en français. Oui, après on était là, on corrige les... mais oui, oui, ah, oui. C'est publié. Écoutez, je ne sais pas, parce que nous avons des classeurs entiers de poèmes que nous sommes en train de classer. Elle a publié certaines de ses poèmes, mais pas en français, pas encore. Peut-être qu'un jour on le fera, parce qu'elle en a beaucoup en français. Et je vais vous en lire un autre. Écrire. Je voudrais écrire quelque chose. Un vers, un conte en prose. Quelque chose de notre univers. La vie de la chrysalide, quand elle se métamorphose. Le vol du papillon, blanc ou jaune d'or. Quand sur le lys, il se pose. D'écrire, peut-être, les sensations que nous laissent les parfums de l'œillet ou de la rose. Ou d'écrire encore les palpitations du cœur que notre pensée n'ose parce que quelquefois, l'on croit avoir tort. C'est complètement différent. Et au début, quand elle a commencé à écrire, c'était surtout autour des fleurs. C'était une amoureuse des fleurs de son jardin, et de la vie, et de la mer, et tout ça. Et puis, ben, petit à petit, tout le reste a suivi. C'était quelqu'un, pour parler à monsieur, qui pouvait paraître naïf des fois, contrairement à tout ce que j'ai dit, qui était très sensible, et qui pouvait être aussi très dur quand il le fallait, et faire ce qu'il avait à faire, même si c'était difficile. D'autres questions? Non. Comment ça se fait qu'il s'exclut entre eux avec beaucoup d'exclusions? Elle était exclue, Sarah, d'un parti. Sarah était exclue d'un parti, là. Comment ça se fait qu'il s'exclut entre eux? Ah, ben ça, dans l'exil, les mouvements, qu'ils soient libertaires ou pas libertaires, il y a des conflits de personnes, il y a des conflits d'intérêts, il y a des conflits de pouvoir. Et ça, Alors, vous avez sur la table tout un échantillonnage de bouquins sur l'Espagne, notamment sur le Sahara, mais là, oui, c'est moi.